Quand la cloche sonne, c'est qui donne 170%. Comme individu reçu au bal des neurones, on est des douteux que les amis affectionnent, tellement fait fort, du bon bon bon fort, chaton et doutons encore. Oh, oh, oh, oh. Pas question de réponse bidon, pas de nouilles, rien de méchant, pas de bêtises, pas de Jésus, les doutes tout à nu, tout nu. Quand la cloche sonne, un bon doute donne. Est-ce qu'on s'est endormi depuis qu'on pense qu'on sait ce qu'on dit? Vive la vie, vive le vent, doute à 70%. Une équipe diminuée ce soir. On a eu des renforts du sud-ouest en la personne de Claude Bernier. Bonsoir Claude. Hey, salut vous autres, j'espère que ça on va bien. Bien sûr, oui, ça va sans pion. Je te dirais, ça va pas mal comme d'habitude. Ça, je te dirais, voyons. Ouais, arrête là. Ouais, c'est ça. Le film de ce soir, c'est Le Clandestin qui a été choisi par l'inénarrable Simon Chénier qui a mis ça en proposition parce que j'avais demandé à Benoît de s'occuper de la patente pendant 4 semaines. C'est ça, là, c'est comme de rajouter de la profondeur à l'aventure. On a aussi gagné des niveaux dans l'expérience. On va sûrement faire un petit show de clip ce soir du fait que j'ai pas d'extrait du Clandestin à vous présenter, qui a l'air d'être un film assez conséquent, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis, il y a bien sûr Bruno qui cherche là-bas. Ça va, Bruno? Ouais, j'essayais juste de trouver c'est lesquels les écouteurs qui fitaient avec mon micro parce que j'aime ça que ce soit consistant, là, tu sais. C'est tellement cartésien. Mon micro il est allumé, il y a la petite slide ici pour monter mon volume. Tu sais, j'ai pas besoin de me casser la tête là. Bon. Fait que comme j'ai pas amené d'extrait du film d'aujourd'hui, qu'on n'a pas grand monde en studio, il y a Claude, il y a Bruno, même Bruno diminué ici qui a pas réussi à imprimer son aventure. Non, mais s'il y a quelqu'un qui est un administrateur de Choc FM puis qui écoute en ce moment là, ben ça serait le fun que vous vous pointiez pour que je puisse imprimer ma patente là, tu sais. juste lancer le mot comme ça. Il y a le petit pincement, ça nonobstant, on est quand même ici avec la trame sonore, c'est Overclock Remix qui ont refait des bouts de Earthbound. Ça, c'était bon, hein, ça, quand il était dans l'autobus avec le groupe de 5, là, il faisait du blues, les Runaway Blues, le Runaway 5, ouais, c'est ça. Pour l'instant, on commence une petite émission tout en clip avec l'excellent Arcade, parce qu'Arcade, c'est excellent. À chaque niveau, vous avez de moins en moins de temps pour repartir, jusqu'à ce que, si vous traînez pour trouver la porte, si vous réussissez à traverser la mer des ténèbres, en gagnant la clé numéro 4, vous avez une deuxième vie. Sans deuxième vie, il n'y a plus de marge d'erreur. Et c'est très dur. La suite se déroule dans le cerveau virtuel de la machine. Néon béton, vous voyez? De l'acier mort et froid. Très laid. Très malsain. Et là, vous avez 2 hurleurs sur les talons. Vous nous cachez quelque chose. Exact. Tout ce que je vous en dirai, c'est qu'on l'a doté de cellules vivantes. Voilà. Le donneur était déjà mort cliniquement, alors les règles de déontologie sont sauvegardées. Et puis on a utilisé quoi? 2 ou 3 centaines de milliers de neurones, c'est pas si grave. Si, justement. Tout est là. Ce donneur est vivant, c'est lui qui change les règles en cours de jeu. Il est conçu pour être le jeu le plus difficile. Les joueurs doivent se rendre cinglés à essayer de le battre assis devant leur télé pendant des heures entières, à s'en faire péter le crâne. Enfin, c'est ça le but, non? Les boulonner à leur récepteur. Écoutez, si vous me permettez un conseil, ne jouez pas cette saloperie. Laissez Arcade où il est, point final. Ah, je suis morte. Vous allez bien. Bon, attendez-moi. D'accord. Où est-elle, ce lit? Va te faire foutre. J'arrive pas à t'entendre. Je vais te le dire plus fort. Va te faire foutre. Écoute, la franchise, c'est très touchant. Mais c'est pas la chose la plus importante dans ta vie pour l'instant. Ce qui est important, c'est ta gravité. Et je dois te rappeler, Sully, c'est mon bras le plus faible. Tu ne me tueras pas, Matrix. T'as besoin de moi pour trouver ta fille. Où est-elle? J'en sais rien. Mais Cook le sait. Je vais t'emmener à mon rendez-vous avec lui. Pas besoin de toi. Pourquoi? Parce que je sais où il est. Tu te souviens, Sully? Je t'ai promis que je te tuerais le dernier. C'est vrai, Matrix, c'est ce que t'as dit. Je t'ai menti. Maintenant, vous n'avez plus de voiture. Maintenant, j'en ai une. Vincent, j'ai soif. T'as-tu quelque chose à boire? Oui, donc, t'as toujours soif, t'as toujours faim. Je sais pas ma mère de même à toutes les 5 minutes, moi. Il me reste pas grand-chose. Hein? Bois ça, c'est bon quand on a soif. Ouais, mais c'est de la bière. T'as jamais goûté à ça? Non. Ah oui, bois, c'est bien meilleur que de la liqueur. Ah, ça pue! Mais non, c'est bon. Ah, ça goûte fort! Ah, mais c'est ça qui est bon. Ça pétille dans la gorge. Les enfants, là. Le temps boit les affaires sucrées. En tout cas, bois ça, là, j'ai une commission à faire, je reviens dans une heure. Traverse pour KGB TV. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui embellit notre ville, fait partie du paysage urbain. Il est jeune, il est dans le vent, il a les cheveux longs et tout. Jésus. Salut, Jésus. Salut tout le monde. Salut. Là, Jésus, est-ce que on est en face du Fils, du Père, du Saint-Esprit, les trois en même temps ou juste l'un dans les trois? Maintenant? Ben, je vous dirais que les trois puis un avec l'autre, je veux dire, ça dépend à qui vous parlez. Puis moi, je suis ouvert à ce que vous dites. Puis en tout cas, tu sais, je voudrais remercier papa. Merci de m'avoir, c'est ça. Yeah. Ouais, là, on est l'été, fin du mois d'août. Dis-moi, pourquoi toi, Jésus, l'été, c'est comment? Ben, l'été, à vrai dire, c'est avec les disciples, c'est plein d'énergie, tu sais, c'est le temps de justement bouger puis d'avoir chaud, tu sais. Hein? Puis qu'est-ce que les jeunes aujourd'hui boivent? Ils veulent bien de l'énergie, mettons. Ouais, je lance mes nouveaux breuvages énergétiques, le sang du Christ. Ça ressemble à du vin, c'est comme un cooler un peu dans le fond. Puis, j'invite à tout le monde d'essayer ça. Puis, tu sais, le pire qui peut arriver, c'est qu'ils soient mieux dans leur peau. Hein? Je pense que ça se transforme en eau à un moment donné. Hein? Ouais, ben si on en boit trop, c'est ça. Mais ça se transforme en pisse aussi, à un moment donné aussi, parce qu'on le pisse. Donc. Oui, je pense qu'il y a des gens ici qui ont mangé ton corps avant ça. Dis-moi, toi, Jésus, tu pardonnes à tout le monde. Ben, je pardonne pas mal à tout le monde, même s'ils mangent mon corps à un certain moment donné. Je me suis dit, bon, ça fait partie du rituel. Je pardonne pas mal à tout le monde, on va dire, sauf peut-être à lui, là, que lui, il a fait un coup-chien. Pas correct. Tu peux t'en aller maintenant. C'est bon. La prochaine fois qu'on va voir Jésus, ça va être sur le Golgotha, Musique Plus, ça va être quand, là? Je te dirais que j'ai un clip qui se tourne en ce moment, c'est tough à dire. Je voulais dire, tu sais, justement à mon père que je reviens de m'en revenir à m'amener, mais là, parce que j'ai des affaires qui me retiennent ici. Puis en tout cas, il y a bien une nouvelle surprise qui arrive. Je l'invite à tout le monde à aller sur mon site internet, c'est jésuslesauveur.com. Allez voir là-dessus, puis en tout cas, il y a des affaires qui arrivent, fait que profitez-en. Hein? En tout cas, je pense qu'il y en a qui t'aiment ici, Jésus, puis on va se recueillir dans la prière. Merci, Jésus. Mais je vous aime aussi, hein. Dieu vous bénisse, et n'oubliez pas mon breuvage énergétique, hein. Change. All I wanna do is to exit, so I go to where I can get off. On a curve through the shoulder, there's no parking in that trough. So I drive around all day, calming atmospheric haze, till I wanna get on again. Then all I have to say is, all I wanna do is to thank you, even though I don't know who you are. You let me change lanes while I was driving in my car. All I wanna do is to thank you, even though I don't know who you are. You let me change lanes driving in my car. Whoever you are, I wanna thank you. Whoever you are, I wanna thank you. Whoever you are, I wanna thank you. Whoever you are. Groover avec moi. Gagita! La personne l'a laissé passer dans l'autre. Tout était gentil. Ah, nous sommes de retour dans notre émission de radio et je suis à la régie, alors je me sens obligé de faire comme si c'était moi qui animais l'émission. Alors que Tommy Godette s'en va se placer à ma place de l'autre côté de la ville. Je me sens vraiment dans mon élément. Wow, c'est fabuleux. Donc, on peut maintenant expliquer que je suis en train de suivre un cours de régie. Vas-y, Bruno, baisse un petit peu le son de la trame sonore. D'accord. Puis, lis ta première nouvelle, parce okay. que moi, j'ai hâte d'en apprendre sur le monde qui évolue à la vitesse qu'on préfère. C'est bon, c'est-à-dire à... 70%! Voilà! Alors, des douzaines de témoignages le prouvent, les sirènes existent. T'as entendu des douzaines de témoignages. Des douzaines. Dans la ville de Kivat Yam, en Israël, plusieurs témoins affirment en avoir vu. Tellement qu'une récompense de 1 million de dollars est offerte à quiconque peut apporter des preuves tangibles de l'existence de ces créatures mythologiques. Ben, voyons. La majorité de ces observations ont été faites au coucher du soleil. Et ne sont pas reliés entre elles. Ben, c'est sûr. C'est sûr que c'est pas une affaire de drag queen de cacher. Ben, c'est pas ce qu'ils disent, en tout cas. Les autres, ils voient des queues de poisson, là. En tout cas, le conseil municipal qui offre la récompense affirme que ce n'est pas un coup de marketing afin d'attirer des touristes, même s'ils espèrent que des touristes viendront tenter leur chance. Hey, voyons d'autres. C'est comme la gang du monstre du Loch Ness, là. Ils ont avoué que c'était une joke. Que c'était une joke, finalement. Puis, il n'y a personne qui l'a popularisé, ça, parce que le monde, ils veulent aller le voir, Nessie, là. Ouais. Et Plesiosaure, qui est là depuis tellement longtemps, tout seul. Qui se reproduit avec sa main droite de père en fils. Ah, tu penses que c'est ça, toi? Ben, je vois pas, sinon. Ah, Claude, t'en as-tu une autre? Ou, ah ouais, on peut y aller avec une autre tout de suite. Ben, le Japon étant le seul pays avec une association pour fusils à élastique, il n'est pas surprenant que la première mitraillette à élastique soit développée dans ce pays. Un méga geek japonais a créé cette arme qui peut lancer 200 élastiques en 10 secondes et prend 10 minutes à charger. Pour une main expérimentée. Vous pouvez vous procurer un kit de construction pour débutants sur Amazon Japon. C'est pas surprenant non plus que tu nous lises une nouvelle qui vient du Japon, Bruno. Non, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas si souvent que ça, il me semble. Ah. Je parle d'affaires qui se passent au Japon. Ah. Nos cousins les Nippons. Hey, peut-être que je parle un petit peu du film de ce soir parce qu'on va quand même aller l'écouter au brouhaha tantôt. Même si on n'a pas d'extrait. Ben là, c'est ça. Dans le procédé d'essayer de démocratiser l'ouverture puis l'apport des efforts de tout le monde, là, je me suis dit je vais laisser la barre à quelqu'un d'autre pour choisir les films. Puis ben, il a choisi deux films en compétition que j'ai pas chez nous et puis que je connais pas. Fait que je suis mal à l'aise d'en parler. De radio de marde. C'est rare, ça. Ben ouais, ouais, ouais, mais tant mieux. Un moins 7.5 que j'ai pas vu, j'ai bien hâte. Là. C'est une tumeur cancéreuse de chat qui tue du monde sur un bateau. Ouais, on a hâte. C'est voilà, M. Bernier qui est convaincu. Non, mais ça devrait être une assez belle expérience. Je pense en plus, les visionnements, ça explose pas mal ces temps-ci. C'est cool. Ça explose, mais ça. Ça explose, ouais, ah, la semaine passée, cool. Ça explose. On n'a pas eu Lasco, le train de la mort, un moins 5 qui passe très, très bien. Puis eux autres, ils y avaient donné mieux. En tout cas, les films d'horreur sont à la mode avec Frankenhooker aussi la semaine passée. Oui. C'était-tu la semaine passée? C'était l'autre d'avant. Ouais, hein, la semaine passée. La semaine passée, c'était Kiss. Kiss, oh. Un genre de film d'horreur. Moi, ouais, j'avoue, hein, ça avait son petit. Autant que Scooby-Doo peut faire peur, mettons. Ouais, là. C'est ça. Je suis un des deux personnages parlants. Et je suis démoniaque. Peut-être que ça va être moi qui va être déguisé à la fin en fantôme transparent qui vole. Ah ouais, il a trouvé la technique pour voler et être transparent, mon oui. Dieu. Puis lui, il va avoir le parc d'attractions pour lui tout seul. Il aime pas ça à attendre. Imagine-toi quand il fait 32 degrés à l'humidité. Là. Non, j'avoue. Personne ne veut attendre. Hey, ça me fait penser à la joke que je viens juste de vous conter. C'est ouais. Excellent. Savez-vous, les gars, pourquoi que les gars, ils regardent tellement de sport à la TV? Non. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de porn à downloader sur Internet. je l'avais déjà entendu. Ouais, oh. Ça fait pas longtemps. Hey, Bruno, veux-tu partir le clip de l'affaire avant dans le bloc qu'on a eu avant? C'est quoi qu'il y avait? On s'en fout un petit peu. Là. Il y avait du commando, il y avait du dégât des filles et un salaud, puis Simon Boisvert. Il y a eu un bout de. Attends un peu, là. Non, c'est pas mal ça, hein. Je pense qu'on a fait le tour. Ah, il y avait Jésus avec Perra. Ah, il y avait Jésus. Oui, des clips originaux, oui. Simon Perra dans le rôle de Jésus. Oui. Il l'a tellement bien. Fait que là, on s'en va combat à finir. Hulk Hogan qui va sentir l'urine. Puis tu mettras un petit bon. Tu comprends le travail là-dessus. C'est bon. À 70% à fond la caisse. Mon enfant nu sur les galets, le vent dans tes cheveux défaits, comme un printemps sur mon trajet, un diamant tombé d'un coffret, seule la lumière pourrait défaire nos repères secrets. Où mes doigts pris sur tes poignets, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace. Moi, cette chanson-là, elle a une particularisation de significative dans ma vie à moi. Ça fait quoi? Ça fait à peu près 14 ans que c'est paru. Francis Cabrel, l'amoureux des cailloux, le chanteur des dames. En fait, ce qu'elle représente pour moi, c'est qu'à toutes les fois que je vais faire miction, autrement dit pisser, depuis que je l'ai entendu, j'ai jurinais, jurine et jurinerai sur le même beat que lui, là. Puis Dieu sait que je suis allé pisser souvent, hein. 31 ans. J'urinais, j'urine et j'urinerai. Ah, coupe ça, man. Passe à la prochaine. Tellement de regrets. Tellement de choses qu'on promet. Ah, c'est bon, oui, oui. Une seule pour laquelle je suis fait. Ah ouais, dis bien. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais. Oh boy. Oui, ici l'école Mertens, je vous écoute. Vous êtes Ingrid, l'amie de Frank, est-ce exact? Oui. C'est moi, Cora. Vous vous souvenez de moi? Écoutez-moi, Ingrid, je sais que vous êtes amoureuse de Frank, et c'est ce qui me décide à vous le dire. C'est moi. Oui, la nuit dernière, quand j'étais avec lui, pendant qu'il dormait, j'ai mis un paquet d'héroïne dans la poche de sa veste. Croyez-moi, je ne voulais pas le faire. On m'y a forcé. Van Bullock m'a obligé à le faire. Putain ! Maîtresse ! Allô ? Cora ! Cora ! Ma chérie, mon amour, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, Cora ! Cora ! Mon amour, parle-moi ! Cora, ne me quitte pas. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Ne me laisse pas seul, Cora, mon amour. Parle-moi, dis-moi quelque chose, je t'aime. Je me dis, ne me laisse pas seul, je t'aime. Dis-moi quelque chose, ne reste pas comme ça. Parle-moi, mon amour, je t'aime, je t'aime. Cora, parle-moi. Ces symboles vont concentrer en toi l'ultime pouvoir de la volonté. Tien. Ritsu. Cinq. Kobatera. Oui, Kobatera. Ninja magique. Intan Jutsu. Le pouvoir de se rendre invisible, de provoquer la peur et la paralysie de tes ennemis. Tu es prêt, mon fils. Je suis avec toi dans ton action et dans mon cœur. Suis le Tochito. J'honorerai mon père, le Ninjato. Méfie-toi du ninja noir. Il a suivi la voie inférieure et il a trahi le code. Alors, il doit mourir. C'est amusé. Après, facile, combien il y en avait? Allez, vas-y, compte le pognon. Allez, fais donc le mariage. Sens-le qu'on jette un œil. On va tout partager. Allez, ouais, on partage. Ah, mais compte, chérie. Il y a à peu près 200 dollars. 200 dollars? Ouais, on va continuer à la santé de son ouais, ça va aller vite. Ah, je connais un bar très sympa. Et on peut y aller tout de suite? Oui, alors on y va. Le vieux veut son pognon. Qui ça? Jamais vu ce morceau de merde. Allez, on se tire, les mecs. Tu veux ton pognon, hein? Ici, viens. Voilà ton pognon. Voilà ton pognon. Tu le veux? Allez, viens. Il veut son argent. Mais t'approches-toi. Allez, viens. Ah, c'est un pédé, le mec. Hey, qu'est-ce que tu fous, vas-y. Bah, il va comprendre. Non, non, non, non, non. Bah, Thank you. non, non, par pitié. Voilà l'argent. Ne tirez pas, non. Non, je veux pas mourir, non. Il t'a pris, pense au vieux. Vous n'avez rien à me dire pour m'empêcher de vous foutre tous dehors à coups de pied au cul. Nous devons nous associer, grouper nos gars, rouler tous ensemble. On pourra contrôler une ville entière. Unis, oui, jusqu'au but. Un but commun. Un avenir commun de gloire. Ouais, un avenir de gloire. Mais nom de Dieu, t'as un grain au cerveau, mon vieux. Pour qui tu te prends? Adolf Hitler, Rommel, Bela Lugosi et Klax Dumont passent par ton trou du cul? Alors? Snake n'est pas le patron des Hell Riders. Je suis 10 fois plus dur. Regarde. N'ose même pas faire ça. Vas-y, regarde. Connard. Fils de putain. Ne me dis rien. Ne me dis pas un mot. Un mot de plus. Hé, Snake. Tu es fou et stupide. Je t'attrape en train de rôder autour du camping. Je prendrai tes couilles pour me faire des boucles d'oreilles. Alors disparaît de ma vue. Seul un ninja peut détruire un ninja. C'est vrai que seul un ninja peut détruire un ninja. C'est vrai. Seul un ninja peut détruire un ninja. C'est vrai que seul un ninja peut détruire un ninja. C'est vrai. Seul un ninja peut détruire un ninja. C'est vrai que seul un ninja peut détruire un ninja. C'est vrai. Seul un ninja peut détruire un ninja. C'est vrai que seul un ninja peut détruire un ninja. C'est vrai. Seul un ninja. Hey, poupée. Ouh, ah. Regarde-moi ça, fais voir. Approche. Sainte guacamole. Wow. Oh, ses jambes. Oh, oh, ses fesses. Pourquoi tu t'arrêtes? Je crois que je suis amoureux. Et si tu as un chien, je serai amoureux du chien aussi. Tu sais, tu as une façon vraiment sexy de me caresser. Je n'ai rien à me dire. Voilà, nous sommes de retour. Après une batch de clips. Attends un petit peu, Claude. Alors, je vais y aller avec une autre nouvelle. Nouvelle, oui! Informe-nous, Bruno! Moi, j'ai des choses à dire. Je suis allé d'être niaiseux, ah oui. D'accord, tu peux t'en aller. Oreo, un chat de Macon en Géorgie, est intelligent, semble-t-il. Le chat qui aime dormir, manger et lire le journal a maintenant un GED, qui est une équivalence de diplôme d'études secondaires. Son propriétaire, Kelvin Collins, l'a inscrit au Jefferson High School, une école qui offre des tests d'équivalence et des diplômes sur Internet. Collins a en fait pris le test et découvert qu'il ne fallait pas vraiment être si intelligent que ça pour passer. Si on rate une question, affirme-t-il, elle reviendra et on vous donnera un indice qui vous donnera pratiquement la réponse. Oreo a surtout eu des A avec l'aide de son propriétaire qui a écrit des essais sur ses expériences de vie comme comment elle s'est fait adopter dans la famille. Janet Kelly du Middle Georgia Technical College à Warner Robins affirme que les vrais programmes de GED n'offrent pas d'indices pour les questions ratées et ne donnent pas de crédit pour les expériences de vie. Ce diplôme n'aurait donc aucune valeur. Le but de l'expérience était d'exposer le Jefferson High School comme étant une fraude. Tout le monde peut avoir un GED à cette école s'il est prêt à gaspiller 200$. L'école n'avait pas de commentaires à faire lorsqu'on les a interrogés à propos de Oreo. Il était effectivement mieux de fermer l'œil, ouais. Je pense. Fait que le chat, il est heureux récipiendaire. Ouais. C'est pas pire. Un diplôme d'études secondaires. Fait que c'est quoi, Claude Bernier, tu vas être celui qui va parler? Ah ben, ouais, vous savez, j'aime toujours ça, parler, même si la lumière rouge n'est pas allumée sur mon micro, mais ça a l'air d'être correct. Je m'y connais pas beaucoup en micrologie. Attends un petit peu, là. Non, ça doit aller. Ça marche? Ouais, je présume. Oh, appelez-nous si vous m'entendez pas. Ça a l'air de... Non, c'est correct. T'es allumé ton micro, check la lumière rouge, t'es allumé sur le petit piton vert. Écoutez, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand je vais venir faire des visites, si je vous disais la semaine passée que je vais parler de choses que je comprends pas. Puis des fois, c'est des affaires nounoun que vous allez me trouver imbécile. Et des fois, c'est peut-être une profondeur cachée. Vous savez, parce que je suis un être assez profond. L'important, c'est de poser des questions. Exactement. Puis cette semaine, je me demandais, puis il y a quelque chose que je comprends pas beaucoup, c'est l'imagerie dans la musique metal, surtout le dead metal. Toute cette imagerie de cadavres, de têtes de mort, d'ossements, de diables, que je comprends pas pourquoi. Quand j'étais jeune, vers 8 ans, quand Twisted Sister ont sorti leur grand succès, j'étais très impressionnable, surtout avec les gros os à gruger. Moi, je dis, mon Dieu, c'est diabolique, cette affaire-là. Ça me faisait peur un peu. Trop laide pour être sain. Exactement. Plus tard, j'ai appris que c'était du power rock, puis que l'os, en fait, il est en plastique. Mais, en vieillissant, je pensais que c'était un peu une affaire de justement qui était liée au culte du diable, à des gens qui prônaient les sacrifices humains, qui avaient vraiment la terreur dans le sang ou le culte démoniaque. Sauf que, en écoutant les paroles, que ce soit des groupes populaires comme Metallica ou Iron Maiden avec leurs cadavres en décomposition, ou un groupe comme Cannibal Corpse, j'ai découvert qu'il n'y en était rien. C'est pas des gens qui prennent la mort ou le feu ou de tuer son prochain et d'être méchant et la violence ultime. Donc je me suis dit, à quoi ça sert toutes ces affaires de cadavres là? Là, je me suis dit, en connaissant quelques personnes qui aiment le dead metal et le metal, je me suis dit, c'est des gens... Well, real men listen to metal music. T'sais, vous comprenez, c'est comme... Ça porte du noir, ça écoute du metal, c'est des vrais hommes. Le restant, c'est fif. Donc, est-ce qu'il y aurait une virilité qui serait liée avec les têtes de mort, avec les cadavres, avec le sang, avec le feu, avec le dégueulasse, le démoniaque? J'en ai aucune espèce d'idée. Mais j'avoue que... Aujourd'hui, ça tend plutôt vers le geekness avec l'écriture un peu médiévale. Alors, je suis un peu confus. À quoi ça sert toute cette imagerie-là? Avez-vous une idée, vous autres? Parce que moi, je suis perdu. Moi, je ne sais pas à tout. Moi, je pense que c'est... vendre des t-shirts. Ouais, c'est du marketing. Ouais. Oh, ça vient chercher les gens avec... Moi, je suis un tough, j'aime le démon. Oh, boy. Ce qui est bizarre en plus, c'est que souvent ces bandes-là sont rendues pères de famille, puis ils sont choqués après la société dans laquelle ils ont eu un enfant. C'est, ah ouais, c'est tout à fait vrai. Puis en plus, ils cachinent plusieurs millions de dollars par année, puis après ça, ils sont choqués après quoi. Là. Mais je sais pas, c'est pas pour chercher une certaine virilité. Surtout que aujourd'hui, si tu regardes un des derniers vidéoclips de Metallica, où que c'est l'espèce de héros américain qui est en Irak, qui sort et qui mitraille ces méchantes personnes-là. Mais quelle image que ça donne. En tout cas, s'il y avait, c'est sûr que sûrement qu'il y a eu à quelque part des mangeux de sauve-souris qui faisaient vraiment ça. Mais bon. Jamais, toi, au public aguerri, cultivé, en tout cas, je l'espère plus que moi, t'as une réponse. 987 3000 poste 1610. Hey Bruno, il s'appelle comment le monstre de Iron Maiden? Eddie. Ed, ok, ouais. Ok. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, ben écoutez, pour te gâter au toit public, je te vais donner une belle chanson des vautours. Que nous allons dicter maintenant. Maintenant! 70%! Il s'agit de Beat on the Brat. Jésus, il vient tout le temps dans nos parties. De nous. Il pense que tout le monde l'aime, puis en tout cas... Direct ça, mon gars, la paix m'a descendu sur le ciel, pourquoi? Faire la party! Câlisse. Ça va. Allez, c'est passé l'orage, hein? Nous devons marquer. Vas-y, il faut que tu le réussisses. Fais comme tu sais, petit. Hein? Fais-la exploser, Jacques, vas-y. Vas-y, Jacques. Vas-y. Vas-y, Jacques, t'es le plus fort. Il est passé. Oh, ça va, c'est bon. Ok, Jacques, un bon swing. Ton swing est aussi mou que la vieille moto que je t'ai vendue. Attrapez la balle! Vous êtes out! Vous

l'homme qui prendra en main le prince et son éducation et qui lui permettra de détruire le mal. Et qu'est-ce que je fais là-dedans, moi ? C'est que nos ennemis ont décidé de recourir à des sortes de mercenaires afin d'atteindre leur objectif. Charge à toi de tout faire pour les en empêcher. Et tu représentes notre arme ultime. C'est clair maintenant. Hein, ce sera pas comme Sophie, la fille de Gertrude. Fille du voile à l'étalage comme elle, là, parce que c'est pas... Elle perd son nom, puis il n'y a pas d'avenir avec ça, là. Sophie, là, j'étais à l'Espo, là. Puis, elle a eu sa leçon, là. Elle vole plus pantoute. Les magasins. Compris. Elle a compris sa leçon, puis que là, elle est venue à bout de faire une femme d'elle, et puis c'est encourageant pour les parents, puis tout, ça. Avec Sophie, là. Puis, elle a eu sa leçon, puis moi, pas peur, moi, je volerai pas. Je vole pas au magasin. Puis, elle a eu sa leçon, elle volera plus jamais. Puis, ah, puis t'auras pas à avoir peur, moi. Vous demandez cette question-là. J'ai jamais volé de ma vie, puis, je suis pas une voleuse. À voler. Quand j'ai besoin de quoi au magasin, je l'achète, je le paye. Je vole pas. J'ai jamais volé de ma vie. Enfin, vous demandez cette question-là. Mais, ah, nous sommes de retour. Et nous allons retourner dans des nouvelles. Parce que c'est important, les nouvelles. Mais avant, j'aimerais juste dire... Moi, gang, je viens de m'abdiquer quelque chose, je ma bonne bonnet. Hein? Moi, je viens de m'abdiquer quelque chose dans le magasin. Elle vole plus pantoute. Elle a pris ta leçon. Elle vole plus pantoute, pantoute. Là, t'es pas beau pour les parents, pis tout. Avant, elle volait, mais là, elle vole elle plus. Elle vole plus. Pantoute. Elle a appris sa leçon. Grâce à qui? Justier de la quatrième dimension. Ben voilà. Alias mon idole. L'idole à tous, en fait. Oui. Hubert Reeves, Joe Sakic et Roger Normand. Roger Normand. C'est les trois personnes qui ont le plus aidé à être, m'aider en tout cas. Ouais. Bruno, je t'écoute. Ouais, c'est bon. Toi aussi, t'en as une nouvelle hein, à faire. T'as ouais, hâte, là, ouais, je te ouais. vois la regarder. Là. La firme de publicité Saatchi et Saatchi. Ah yes, ça doit être du Japon. Non, c'est pas du Japon, non, c'est international, eux autres. Ouh. Ouais. Ils ont créé pour l'armée de Singapour un paquet en courrier direct envoyé à 6000 étudiants ayant eu d'excellents résultats académiques contenant un uniforme des forces navales complet avec les médailles et les décorations. C'est un faux uniforme. Le but étant que les étudiants imaginent mieux de quoi ils auraient l'air en uniforme. Une carte d'application était placée dans la poche du veston. 4,7% ont répondu à l'appel, ce qui est une amélioration par rapport aux réponses de l'an dernier. Et voilà, donc... C'est fun, hein? Singapour, c'est quoi ça? C'est en Indonésie? Ouais. Ils ont décidé que c'était un pays. Des fois, ça en est un, des fois, ça en est ouais, pas. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est comme une ville pays. Autonome, en fait. Comme ouais, Hong Kong, c'est comme une ville pro-capitaliste. Principauté. Exactement. Ouais. Oh, Boy. Ben, c'est important parce que l'Indonésie, c'est genre le pays le plus populeux musulmanier au monde. Là. Le plus gros pays musulman ouais. au monde, là, avec le plus de monde. Là. Ben, il y a 300 millions de personnes environ sur toutes les îles. Bad boy, ouais. ça en fait de la viande, ça. Miam, miam. Fait, c'est quoi, c'est rendu mon tour? Mais, je crois que ça devrait quand même inspirer l'armée canadienne, ces histoires de... Débit là, hein. Il pourrait envoyer avec le pompon, puis il y aurait peut-être une plus grande réponse. Envoyer des trucs. Des trucs. Ouais, offrir le pompon sur l'uniforme, tu veux dire? Exactement. Ouais. In the Navy. Hey, sinon, moi, tantôt, je suis allé. Oh, le chat attendait un petit peu. C'est correct, il faut dire qu'il va revenir. Je suis allé tantôt au Valentine, coin machin et l'autre, parce que là, à cette place-là, j'ai un espèce de deal bizarre avec un très sympathique propriétaire. Et puis, il me donne toutes les affiches de publicité du Valentine en échange de quoi je lui fais des blagues et je le fais rire. Et puis, en mangeant la poutine sauce italienne pour être sympathique en étant passé, ben, on a feuilleté le journal de Montréal, l'excellent toujours. Et puis là, ben, je suis tombé sur un article. En fait, c'est Marie-Joëlle Parent qui est en direct de New York. Et puis l'article s'appelle « Un facial très inusité ». Et puis on apprend dans l'article que dans The Big Apple, une ville qui a tout vu, Ben, il est maintenant rendu avec un endroit où passer le botox et le facial à base d'excréments de rossignol, on est rendu au facial à base de sperme. Et oui, ben, c'est le Townhouse, un spa huppé près de Central Park. Et puis, ben, quelques autres instituts, bien sûr, parce que quand il y a une place huppée qui décide de quoi, ben, les autres embarquent, parce que sinon, ils seraient pas huppés, le premier. Mais non. Et ben, c'est ça, ils ont décidé d'offrir un nouveau traitement, à base de sperme humain. Oui, c'est ça. Et puis, ça coûte 250$ pour se faire appliquer la précieuse mixture qui est composée à base de spermine. C'est ça, un composé retrouvé dans le sperme humain. Le nom du traitement, c'est The Babyface, bien sûr. Et puis, ben, moi, ça me rappelle qu'un facial très inusité de se mettre du sperme dans la face, je pense que c'est probablement le premier facial de l'histoire de l'humanité. Je sais pas. En tout cas, moi, c'est le premier que j'ai fait. Ben, moi, quand j'ai entendu facial, j'ai pensé à ça tout de suite, personnellement. Et voilà. Donc, on est en présence de dames qui, pour bénéficier des effets d'un antioxydant très puissant, 20 fois plus puissant que la vitamine E, puis on sait que la vitamine E, c'est puissant en sapristi. Donc, 20 fois plus puissant que la vitamine E, ça réduit les rides, les effets du soleil, le evil soleil, celui que notre mère veut tout le temps qu'on aille prendre. Puis bien sûr, ça hydrate la peau, le sperme d'en face. D'en face! D'en face! Explique une préposée du spa. Apparemment, c'est aussi populaire chez les hommes que chez les femmes. Ouais, c'est sûr. Depuis le temps que j'y disais. Et puis ben là, c'est ça, ça finit en disant que la substance est maintenant synthétisée par un laboratoire de Norvège qui a découvert l'espèce de chaîne protéinique qui fait que le sperme humain est bon à se mettre dans la face. Dans la face. Aïe, aïe, aïe, aïe. Ça me fait penser, il n'y a pas très longtemps, je lisais L'Aile Québec. Puis, il y avait un petit article des opinions des gens qui travaillent là-bas pour budget de crise, les trucs de la rédaction, parce que nous sommes encore en crise! Et puis, il parlait de petites crèmes, hein, tu sais. Donc, pour décoller là, les ondes sèches de sa peau, une certaine journaliste de Hors de Vivre de ce magazine incroyable emploie une crème hydratante pour le corps à mini prix. Ça veut dire quoi? La crème personnelle, je présume? À laquelle elle incorpore de la vitamine E en gélule. Mais aujourd'hui, on vient d'apprendre qu'elle va pouvoir incorporer les résultats de son travail avec son copain. Bravo. Elle va pouvoir sauver de l'argent en achetant plus de la crème faciale Bobby, bon match, exactement. Et avoir le résultat des ébats amoureux y mélangés. Et souper à la française, un truc de la fille qui s'occupe de la styliste déco de chez Elle Québec. Après 22 heures, certains bons restos font chuter leur prix, à ne pas confondre avec le McDonald's de Walmart. Ainsi, la table d'hôte d'un certain restaurant d'une certaine avenue Laurier-Ouest à Outremont n'est plus qu'à 22$. Alors, elle prend une bonne petite collation, puis elle attend qu'il soit passé 10 heures pour aller se taper une table d'hôte à 22$, plus type, plus 20. Il y a tout plein de conseils comme ça. C'est vraiment intéressant. Hein? Hey, le conseil, c'est d'acheter des bottes vintage dans une place de pôle. Okay. Vintage. C'est pas une marque, ça. C'est un petit peu comme certifié bio, c'est ça. Ouais, c'est vintage. Ça. Mais là, elle, quand elle dit vintage, ça a l'air d'usager. Puis après ça, elle les amène se faire teindre chez le cordonnier pour qu'elle ait l'air neuf. Ben comme ça, elle fool everyone, surtout son portefeuille. Exactement. L'important, c'est pas l'opinion qu'on a de nous, c'est l'opinion que les autres ont de nous. Vous voyez, c'est une autre affaire que je savais pas. Maintenant, je sais. En fait, c'est même l'opinion que les autres ont de notre allure, vu que c'est très facile de pouvoir contrôler ce qu'on a l'air dans la tête des autres, je pense. On s'est rendu un petit peu trop loin pour moi, ça. Et voilà Claude Bernier qui pèse sur le bouton eject de la conversation. Hey Bruno, est-ce que tu nous ramènes en clip? D'accord, on retourne en clip. À 70%. Eh bien, qu'est-ce que tu fous? Allons-y! Viens jeter un coup d'œil par ici. Je vais les tuer, je te dis. Vous êtes tous des minables, de toute façon, vous méritez tous de crever! Je vais commencer par la fille, t'entends? Ouais, je vais la tuer. Je vais l'estropier, t'as compris? Je vais la tuer maintenant. Cela. Hé, hey, ordure. T'es un tireur à la con. Et j'ai horreur des tireurs à la con. T'as flingué un mec pour rien. Maintenant, ça va être ton tour d'être flingué. Arrête! Allons, merde! J'ai une bombe ici! Je vais la tuer et je ferai sauter la baraque! Vas-y. Je dois faire mes courses ailleurs. Allons, calme-toi, amigo. Tu veux causer? On va causer. Une bonne conversation, je précise. Je refuse de causer avec vous! Faites venir les caméras ici tout de suite! Allez, faites-les venir! Hors de question. Pourquoi? Je ne traite pas avec les caractériels. Je les supprime. Je suis pas un caractériel, mec! Je suis un héros! Je débarrasse la planète de tous les pourris que je rencontre! Comment il faut vous le dire? Je suis un héros du monde nouveau! T'es un cinglé. Et je veux te guérir. Crève! Lâche-la! Caché. Ouvrez, police. Ok, ok, j'arrive. Entrez. Un criminel a été vu dans le coin. On a un mandat de perquisition. Charge votre ami Dave. Mais je pense que vous le savez. Je connais mon noir. Comment t'as pu monter là-haut? Question d'entraînement. Allez, viens. En tout cas, Stéphanie est rendue pas mal bête. T'es surpris? Je sais qu'elle a un chum, là, puis elle veut pas le dire. Bon, peut-être qu'elle soit avec un étudiant. Hey, attends une minute, toi. Tu viens de me donner une idée. Un prof qui sort avec un étudiant, là. C'est qu'elle pourrait perdre sa job. Juste une rumeur, ça peut faire bien du dommage. Hein? Sais-tu que t'es devenu un crosseur? Il me semble que t'étais pas si pire que ça avant. Tu seras surpris. L'été que j'avais 9 ans, là, j'avais installé un petit kiosque devant la maison, puis je vendais de l'eau du robinet aux enfants du coin. 5 cents le verre. Là, tous les enfants qui couraient à la maison, là, chercher de l'argent. Hey, ça se peut-tu exploiter les enfants comme ça? Mes stigmates, c'est la preuve de ma vérité. Mes stigmates, c'est là que j'ai souffert sur le mont Golgotha. Mes stigmates, c'est ça que tu m'as fait faire, bébé. Mes stigmates, arrête pas, arrête pas. Il doit y avoir des raisons. Ça a quelque chose à voir avec Powder King. Hein? Powder King est un homme ou un groupe? Si l'on croit si foot, il s'agit d'un groupe. Mais c'est absolument secret. Pas d'indice. On nous a informé. Quelqu'un veut le territoire de Macha. Et il est dur à cuire. Alors si c'est vrai, on peut attendre tout un tas de meurtres au milieu. Avant que ça arrive, Il nous faut les éviter. Par tout moyen. Sinon, nous sommes dans le jus. C'est urgent. Il nous faut agir. D'après notre information, il faut établir un plan. Il faut le faire immédiatement. Formons un groupe dans ce comité sous le nom d'Opération Jaguar. Il ne se passe jamais rien. Nous avons prévenu par le King en vain. À nous donc à agir. Hé, hey, Logan, qu'est-ce que tu proposes? Ok. Lequel pas de King préfère-t-il? Vous le savez bien. Sa maîtresse Pretty et son fils adoptif Kelly. Lequel? Est facile. Kelly. Dans son salon de coiffure. Maman. Il te faut un cul de cheveux. Ouais. Strong boy. Mengti. Allez avec lui. Et amusez-vous bien. Mais faites attention. Ne tuez pas le gosse. Car ça, je crois, serait beaucoup trop pour Paddy King. Faites-lui un peu peur. Hé, hey, Madman, doucement, ne cogne pas trop fort. Ok. Prenons-le avec Macha. Macha a pensé d'établir un autre circuit. On pourrait l'aider? Poussois-le donc. Donc ce con de Paddy King perdrait la face. Fais-le vite. C'est facile. Ah! Hé, hey, Madman! Hey mon vieux, hey, ça fait longtemps. Ah, je viens de sortir de tôle, hein. Hey Mickey, ça va? Oh, pas mal, j'ai du touch. Oh, l'air blanche? Qui c'est? Ah, c'est ma mouche. Celle du jeu. Hey, vas-y. Oh, non. Le con joue bien. Il est de l'heure. Méchant. Merde, je me demande qui c'est ce con qui m'a fait sortir du lit à ce temps-ci. Il aurait fait au salon, m'a fait sortir du lit et me faire venir jusqu'ici. Méchant, si je le tiens. Hé. Hey. Hé, hey, qu'est-ce qui se passe? Le flic confie par le King. Macha, décide si tu es de notre ou non. Ça peut pas le vendre. Assieds-toi, on en discute. C'est le moment que tu attendais. Profites-en. Oh, merci. Akailili, on se responsable. Ils sont ici. On peut... Hein? Espèce de salaud! Tuez-les! Paddy King est cuit. Comment? J'ai pas besoin de ces cas. Maman, on a eu de la chance d'échapper. Chunyung, salaud, lui et ses hommes nous sauver. Impossible de quitter le pays. Il ne reste qu'à Big Data, tuer les hommes des kings. Il faut le faire. Chunyung est dangereuse, hein, tirons-le. Autrement, tous nos plans ne valent rien. Quand vous vous battez, vous devez retourner à l'état sauvage. Animal. Votre tête et vos mains doivent s'unir pour former une arme, une arme. Quand on vous attaque, oubliez le présent. C'est trop compliqué, trop compliqué. Retrouvez votre instinct animal. Redevenez un primitif. Un primitif. Ça suffit, c'est pas une cour de récré. C'est la guerre que je vous enseigne, pas de petites bousculades. J'ai pas besoin de toi pour connaître la guerre. Tu dois oublier le passé. Tu dois te débarrasser de la fureur, des cris, du chaos. Il faut les réduire à néant. Il faut retrouver son harmonie, son centre. Je l'ai perdu, ce qui m'a rendu esclave de la bouteille. On ne fait que survivre quand on a perdu son harmonie. Quand on combat proprement, on redevient propre et on continue à vivre. Essayons encore. Boxez. Touch, but you mustn't touch. His name sounds good in your ear, but when you say it, you mustn't fear, 'cause his name can be said by anyone. Je vais m'en sortir! Lâche-le! Pose ton flingue ou je le plombe! Va te faire foutre, connard! Encule-le bien profond! Ouais, c'est ton cul! Lâche ton arme, espèce de connard! Va te faire foutre, connard, encule-le bien profond! Ouais, c'est ton cul! Va te faire foutre, connard, encule-le bien profond! Ouais, c'est ton cul! Ouais, c'est ton cul! Ouais, c'est ton cul! Ouais, c'est ton cul! Ah, alors pendant que Tommy Godette fait des projectiles, alors qu'il n'a rien à faire aujourd'hui à cette émission de radio, à part peut-être parler de sa nouvelle, mais c'est déjà fait. Ah, mais je peux parler d'autre chose. Si non, non, c'est correct, c'est correct. Ouais. Continue à faire des projectiles là, à la place. Là. Ben, je vais être utile. Après, moi, je vais écouter ta nouvelle. Tu vas écouter ma nouvelle. Ta nouvelle. Il t'en reste deux. Il me reste deux nouvelles, oui. Alors, il y a le juge Daniel Rozak qui est très sévère quand vient le temps de faire son travail. Il l'est aussi avec les spectateurs de ses procès. Il a déjà condamné des accusés pour mépris de la cour quand ils sacraient après avoir reçu leur sentence. Et c'est aussi le juge qui a condamné le plus de spectateurs pour avoir interrompu les procédures après que leur téléphone ait sonné. Enter Clifton Williams, qui assistait au procès de son cousin à la cour de Rozak. Lorsque le juge a donné la sentence, Williams s'est laissé aller d'un bâillement un peu bruyant. Rozak a décidé que ce bâillement était criminel et a condamné Williams à 6 mois de prison, la sentence la plus dure que l'on puisse donner pour mépris sans procès. 6 mois. Sans procès. Parce qu'il a bâillé. Parce qu'il a bâillé. Sans procès. Dans l'assistance, sans procès. Il n'y a pas d'appel à rien, lui. Là, ben, c'est sûr qu'il va faire au moins 3 semaines de prison, en tout cas. Ouais, j'espère qu'il a appris sa leçon. Ben, en tout cas, je pense qu'il va se coucher la prochaine fois qu'il assiste à un procès. Ça, ben, la prochaine fois, il ira plus. Monsieur, vous êtes condamné à 25 ans. Oh shit! Oh non, pas 25, 32! Mais là, tu quoi? 35? Ah non, mais ça doit être le genre de personne super le fun à passer une soirée, ce juge-là, vraiment. Puis t'es-tu du genre à nous en lire une douzaine de juges? Ben ouais. Là, parce que c'est des bonnes, ça. J'aime ça. ouais, bon, le 15 juin dernier, il y a une cour de Rostov-sur-Don, une ville de Russie, qui a donné une amende au groupe américain Deep Purple après avoir découvert que le groupe avait joué des chansons sans payer les droits d'auteur. Des chansons de qui jouait? En octobre 2008, le groupe a joué au Kremlin pour le président. Ils ont joué des tunes de Deep Purple. Mais en Russie, tous les droits d'auteur sont protégés par la Société des auteurs de Russie, une organisation qui vous enregistre même si vous ne l'avez pas demandé. Mais finalement, tout est bien qui finit bien. Là, le groupe, ils vont juste avoir à payer les droits d'auteur, puis l'argent va être leur remis, mais ils vont se garder une commission. Là. C'est n'importe quoi. Ah, man, c'est... Ah, mais là, on est même plus dans même si l'ère soviétique. C'est spécial, ça. Ouais, non, c'est ça. C'est que si tous les groupes... ils protègent les groupes qui viennent jouer en Russie. De cette façon, contre eux. De cette façon-là, ouais. Ils pourraient abuser d'eux-mêmes. Exactement. Hey, ben merci beaucoup, Bruno. C'était fabuleux, ça. Ça m'a fait plaisir. Ah, ben, il y a la grosse qui s'en vient. Arrête donc, toi. Ah ouais, rentre. Elle a dans sa bouche, là. Elle a deux affaires dans sa bouche. Des clips. Ah, c'est bon. Donc, nous retournons en clip. Salut, la grosse. Là, c'est là, ah, t'as pas mis de clip, toi, là? Non, mais je vais faire ça, là. Ouais, okay. Ouais. Morgan, sors voir s'il n'y a pas une génératrice. Pourquoi moi? Parce que je te le dis. Et s'il y avait un taré avec une machette et un masque de hockey? Ou un groupe de gros cutéreux pédés qui ont envie de me remplir d'affection? On va bien se marier, ce sera comme au camp de vacances. Sauf que nos frères noirs, ils campent pas. Une fois, je suis allé en camp de vacances, pour tout dire. J'avais 13 ans. Et il y avait un jeune blanc, un gars très cool, un moniteur. Timothy. Tim. Aussi connu sous le petit nom de Johnny Flûte Magique. Ben, raconte-nous donc, Morgan, qu'est-ce que ce Johnny Flûte Magique avait à offrir? Tout d'abord, il m'a offert son amitié. Puis un peu de sucre candi. Et puis après, il m'a offert quelque chose que jamais j'aurais dû accepter. Ouais. Bon courage pour gérer ça. Allez, va trouver la génératrice. Ça sortira pas de cette pièce, n'est-ce pas? Non, non. Allez, trouve la génératrice, dépêche-toi. Allez, courez! Ah oui? Et on court où? Tout droit. Il y a un autre chalet plus loin. On a failli se faire éliminer en essayant de se cacher comme ça. Cette espèce de Rambo en jupon n'aime pas le bois, tu vois ce que je veux dire? Elle veut nous tuer parce que toi tu as voulu, parce que toi tu as voulu jouer les musculo-respiratoires. Bon, fait que mon clip a buggé, fait qu'on va retourner en radio. Ouais, on a un argument en plus ici. Ben oui, avec Evelyne Potvin-Cloutier qui va nous raconter une histoire parce qu'il est arrivé des péripéties pendant son bicolinesque week-end. Oui, il y en est arrivé vraiment plein. Attends un petit peu, je vais te monter un peu. Mille ans en arrière, il s'en passe pareil, des affaires. Fait que là, moi, je voulais vous raconter plein d'histoires médiévales, mais finalement, pardon, avant d'arriver ici, j'ai dit, bon, ben là, j'ai un petit creux, fait que je vais aller me chercher un smoothies au Liquid Nutrition sur Saint-Denis. C'est pas du tout médiéval, là, finalement, mon anecdote. Puis là, j'arrive au Liquid Nutrition, puis là, je dis à la petite madame, hey, là, faites-vous des bons smoothies super bons qui ravigotent, puis tout. Puis là, elle a dit, je viens juste de faire ma caisse, puis je suis fermée, genre, ben, OK, merci, je vais aller ailleurs. Puis là, elle me regarde, puis là, elle dit, t'es-tu l'ami à Tommy? T'es-tu l'ami? Ben oui, elle me dit ça. Fait que là, je fais, ouais. Elle dit, OK, de bord, je vais te le faire, ton smoothie. Puis là, c'est les smoothies rouges qui est là, puis elle m'en a même fait un verre de plus, puis elle me l'a donné pour gratuit. Puis c'est Valérie qui a l'émission ici à Choc FM, Erreur 404. On la salue, puis on la remercie. Elle a nourri ma grosse. Ouais, puis vous autres aussi, parce qu'il en reste. Il y en a un petit verre de plus, elle m'a donné pour gratuit. Ah, un Queen Nutrition dans la tête. Ouais. Elle t'en a fait un gros pour toi, hein? Elle t'a vu, elle a vu la taille que t'avais, fait que je vais en faire un gros. D'ailleurs, je voudrais lancer un appel à tous dans mes bourrelets en revenant de Bicoline. J'ai retrouvé un katana, 2-3 épées, puis une dague elfique. Fait que s'il y en a qui ont perdu ça à Bicoline, ben c'était dans mes bourrelets, je suis désolée. Ça rentre pas chez nous, ça. Pas de dague elfique. Pas de dague elfique. Pas de dague elfique, chaîne ou de katana, c'est correct. Pas de dague elfique. À part de ça, t'as-tu d'autres affaires à nous raconter, Evelyne? Ben non, c'est assez, là. C'est tout? Ben à part que, oui, ben pour l'année prochaine aussi à Bicoline, pour faire des plugs pour les Mayols, là, ma nouvelle, l'organisation criminelle dont je fais nouvellement partie, on s'est ouvert une maison close qui s'appelle les Mille et une Mains. Puis on offre pour 50$ une demi-heure de massage bien huilé avec de la bouffe, raisin, alcool. Puis jerky. Puis c'est ça. Sinon, c'est quoi nous autres? Est-ce qu'on va au lac Saint-Jean en fin de semaine prochaine? Ouais, c'est vendredi puis dimanche. On est au caféier vendredi puis à la microbrasserie de Saint-Gédéon le dimanche. Dimanche qui s'en vient, ça, après si qu'on voyage, c'est fou. Ouais, Simon Chénier, d'ailleurs, il faut qu'il se dépêche à faire les affiches. C'est fait. Si on le dit à la radio, parce que ça va aller plus vite. Non, ils sont faits. On savait juste pas c'était quoi trop les dates et tout, là, mais on va y dire ça tantôt, ça va partir demain, ils vont aller les mettre demain, ils sont bien mieux. Pendant ce temps-là, Bruno, j'aimerais ça que tu mettes le générique des Bionic. Mets autre chose, puis je vais aller te montrer où, tu vois, ça va être facile. C'est bon. Ben, si on est à 70%, c'est relax. Hein? On a fait un trou dans le plafond pour se faire bronzer. Pas vrai? Ben, je te jure, t'as vu, là? Regarde, il est là. C'est plate parce que moi, quand je suis arrivé ici, j'avais vraiment hâte de sentir l'air climatisé, puis eux autres, ils ont fait un trou dans le plafond pour qu'on se fasse bronzer. Avec un beau puits de lumière. Bon, encore frais, pareil. Sexenson. Bon, ben, clip, Bruno. Quand Hendrix, Sud-Est Asiatique, 1986. Putain de merde, ce que j'en ai marre de ce boulot à la con. Je donnerais tout ce que j'ai pour être ailleurs qu'ici à faire le gugus dans un avion. Je vous préviens, les mômes, aujourd'hui, ça va chier. Moi, ce que j'apprécie chez vous, c'est que vous avez bon caractère. Si t'es pas content, tu peux dégager. Hey! C'est une bombe! Bionic, bionic, le courage des vainqueurs. Bionic, bionic, pour un monde idéal. arrêter. Oh, on vaut mieux que ça. C'est nul, ce job. On a qu'à retourner bosser à la station-service. S'ils veulent bien de nous. C'est quand même pas compliqué de servir de l'essence. Je croyais que tu supportais pas l'odeur. Jamais il n'a eu d'employé comme moi, ce gros-là. J'en savais plus que lui. Il a dit qu'il te virait? Non, il m'a menacé de le faire et ensuite... Et qu'est-ce qu'on en a à foutre? On s'en moque de ce qu'il a dit. Tiens, on n'aura pas tout perdu. Regarde, une cassette vidéo. Génial. On va pouvoir mater. Et tu vas mater ça avec quoi? On a trouvé un caméscope. Un caméscope? Ouais. Et où ça, dans une poubelle? Bah ouais, tu sais bien qu'on trouve tout ce qu'on veut dans les poubelles. Allez, allez. Alors les enfants, on joue au train? Quoi? Emmerde pas, c'est pas le jour. Oh le pauvre chéri, il est pas d'humeur à ce que je vienne faire de la tête. Qu'est-ce que vous nous voulez? Ce que je veux, c'est que tu t'excuses, tu piges, et que ce petit merdeux me montre du respect. Lâche-moi ou je te casse la tête. Oh, on voulait pas vous déranger, on regrette. Eh, hey, tu vas demander pardon. Pardon? Pardon, monsieur. Pardon, monsieur. Allez, maintenant à toi. Vas-y, je t'écoute. Tu vas dire pardon. Oh, sale pourri. Dégagez ou je fais un carton. Foutez le camp. Media Player vient de planter, alors je vais recommencer à parler. Donc, Do your doom. On est en train de parler du fait qu'on aimerait bien ça écouter Batman se marie, mais que Tommy Goddard l'a pas mis sur sa two-handed battle plot. Non, effectivement. On peut parler d'autre chose, il reste 5-2 minutes. Ben, on peut dire merci à tout le monde, ceux qui se sont rendus à cette 85e minute. Ah ben là, écoute, il n'y avait aucun problème là. C'était quand même assez facile. Oui, c'était ouais. très, comment dire, relax et divertissant. C'était notre émission estivale. On aurait pu prendre congé aujourd'hui. Ah bon, pense, si je serais arrivé avant. Bon, on est venu prendre congé en studio. Voilà, ben, moi, je me suis dit qu'au lieu d'être sur mon couch à 30 degrés, j'aime bien mieux être au frais à 70%. Hey, oh. Encore des indicatifs, Claude Bernier. C'était vraiment beau. Fait que, ben, passe à un dernier clip, là, Bruno, celui que tu veux. On vous souhaite bonne chance. Je vais juste essayer de repartir, Media Player. On va revenir la semaine prochaine avec tous les amis et puis un équipement de tournée, là. Peut-être un katana à faire tirer puis une dague elfique à donner, là. Bon, ben. Mais je t'ai ramené une oreille. Pour me faire pardonner. Une oreille. Une oreille d'elfe. Yeah. J'en ai arraché. Yeah. T'as arraché une oreille ça, je peux le dire à la radio, hein. J'étais allé pisser sur leur terrain. J'étais allé faire pipi sur le terrain des elfes. Ah puis ouais? Je mange même pas bio. c'est comme vraiment insultant, là. Est-ce que les elfes mangent bio? Ben, les. Oh oui. Ils mangent des pétales sur l'air aussi. Ils font pas d'argent. Moi, j'ai fait plein d'argent. Ah ouais? Ouais. Ouais, je vous le dis. Fait que les elfes sont communistes, puis ils mangent bio, puis ils ont rien compris finalement. Hein? Ben, c'est pour ça que la race est éteinte. J'ai ramené une oreille. Ah ben oui, c'est ça, t'as réussi à arracher l'oreille d'un œuf. Ouais. Est-ce que c'était dans un combat de boxe? Non, c'était comme ça, la noirceur par derrière, sans aucune droiture. Est-ce que c'était pendant que tu y faisais un massage huilé? Non, on les acceptait pas comme ça. Tu masses pas les huiles? Non, mais en fait, ils ont pas tendance à venir parce que, justement, ils font pas d'argent, puis ça coûtait $50 pour une demi-heure de massage. Donc, pas de massage pour les elfes, ils ont pas les moyens de se le payer. Ben, ouais. Ben, voilà. Donc, sur ces grandes paroles... nous allons quitter avec en essayant de faire jouer quelque chose d'autre. Do do do do do do do do do do do. C'est vrai ce que vous disiez, on est vraiment devenu expert en karaté. Ouais. Alors ça veut dire que si j'en ai envie, je colle une raclée à ces gros frimeurs sans avoir une seule égratignure. Eh oui. Quoi, tu veux te battre, c'est ça? Non. Non, je disais que... Non, mais il n'y a qu'à demander si tu veux te battre. Non, sincèrement... Allez, je vais te présenter à mes potes. Allez, descends de là. Non, mais... Hé, Gaz Gringalet, il veut vous filer une raclée. Attendez, je... Si, si, il dit que vous êtes que des frimeurs. Yes, man, bon job. Ah ouais? Ben, salut. Tu crois que je peux y aller ou il faut d'abord que j'appuie sur un bouton? À mon avis, tu devrais d'abord faire un essai. Je crois qu'il est trop tard. Eh, vas-y, Hans, file une leçon. J'espère que t'es aussi doué en karaté qu'en Swahili. Come on down from that sky. Fuck it, damn, then I clear this place. Well, pull the car around back, fill the caddy up.